Henri n'aurait cédé à aucun autre argument. Toutefois, la photo envoyée par Pascal l'avait totalement bouleversé. Durant de longues minutes, il était resté figé devant le cliché, un grand format en couleur qui ne laissait ignorer aucun détail. Julia. Chacune des lettres semblait en relief, grâce à la hauteur des tiges et à une bordure de ton plus sombre, y compris le point sur le « i ». Des roses blanches entourées de roses rouges, des tulipes jaunes cernées de tulipes noires, un résultat hallucinant. À l'aide d'une loupe, Henri avait étudié la composition florale, saluant mentalement le travail de l'estrade. L'immense Julia en arc de cercle faisait même paraître la maison à l'arrière-plan toute petite. Seigneur, Pascal ne pouvait pas vivre dans cette évocation permanente de la douleur. Elle n'avait pas à reprendre à son compte les péchés de ses parents ni leurs remords. Ce serait très malsain. En conséquence, il fallait que Henri descende à Pérols. Il n'avait plus le choix. Il n'était pas malhonnête à ce point-là. Après s'être torturé avec la question de savoir si Adrien devait l'accompagner ou non, il avait décidé de s'y rendre seul. Pascal était finalement la seule concernée. C'était elle qui habitait là-bas, elle qui avait retrouvé Julia. Pour la photo, il hésita beaucoup, mais finalement il la déchira d'une main qui ne tremblait pas. Pascal possédait les négatifs, elle pourrait les ranger avec le vieux livret de famille, bientôt la boucle serait bouclée. À condition que lui, Henri Fontanelle, ait le courage d'accomplir avec sa fille les derniers pas, et cela allait beaucoup lui coûter. Il prit un avion le samedi matin, après avoir appelé Samuel pour lui demander de venir le rejoindre à l'aéroport de Blagnac, le temps d'un petit déjeuner. Il aimait bien Sam, et regrettait qu'il ne fasse plus partie de la famille, même s'il n'avait pas apprécié son intervention lorsque Pascal s'était mis en tête d'acheter Pérols. À vrai dire, sans l'argent de Samuel, Pérols aurait été vendu à un parfait étranger, et tout le monde aurait pu continuer à dormir tranquille. Après avoir récupéré les clés et les papiers de la voiture de location, Henri retrouva Sam au bar. « J'espère que je ne te gâche pas ta matinée. J'avais envie de te voir 5 minutes, pour une fois que je suis dans la région. » Son explication ne parut pas convaincre Sam, qui le gratifia d'un sourire ironique. « Besoin d'un petit sas de décompression, Henri ?»« Oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Je n'aime pas être ici. Je le fais uniquement pour Pascal. Pourtant, vous devez avoir de bons souvenirs à Albi et à Pérols. À mon âge, les souvenirs ont quelque chose d'encombrant. Tu le constateras quand tu seras vieux. » Henri vit que Sam se troublait, détourna le regard. Avait-il lui aussi des souvenirs indésirables ? « Parle-moi de ma fille, » enchaîna-t-il. « Elle va bien ?»« Je crois. Mais vous devez la voir plus souvent que moi au téléphone. Vous êtes restés bons amis tous les deux, non ? Et puis tu la connais mieux que personne. En fait, j'aimerais savoir si elle n'a pas été trop... traumatisée par sa visite à Julia. » Depuis l'époque lointaine où Samuel était anesthésiste dans sa clinique de Saint-Germain, Henri avait toujours pu discuter très librement avec lui. Un homme posé, intelligent et intuitif, capable de comprendre les choses à demi-mot. Voilà exactement l'interlocuteur dont Henri avait besoin avant d'affronter sa fille. Sincèrement, ça l'a secouée. Pourtant, elle y retournera. Elle a obtenu le feu vert de l'équipe médicale. C'est morbide, protesta Henri. Pourquoi ? Personne n'est mort ? Sam avait raison. Julia existait toujours, si incroyable que ce soit. Un remords vivant. Vois-tu, reprit-il d'un ton las, après le décès de sa mère, Pascal est devenue ma principale préoccupation. Je n'étais pas d'accord pour qu'elle s'en aille à l'autre bout de la France toute seule, car j'étais sûre qu'à Pérols, elle. S'interrompant, il secoua la tête et Sam acheva pour lui. Découvrirait des choses que vous lui aviez cachées. Les secrets de famille sont de véritables poisons, Henri. Brusquement, Samuel se pencha au-dessus de la table et planta son regard dans celui d'Henri. « Dites-moi pourquoi vous lui avez vendu cette maison au lieu de la lui donner. »« Je ne pouvais pas. Je suis un peu coincée financièrement et surtout... »« Disons que je ne voulais pas qu'elle habite là. C'est une longue histoire, Sam. Et je vais devoir la lui raconter en entier. » En l'affirmant, il s'engageait à le faire, sautait toute possibilité de reculer. « J'ai l'impression qu'il va vous falloir du courage, » dit Sam avec une sorte de compassion. « Oui. C'est pour ça que je tenais à te voir avant. Si elle réagit mal... Je compte sur toi pour recoller les morceaux après mon départ. Elle n'a plus besoin de moi, Henri. Elle a un homme dans sa vie. Il sera là pour la consoler. Tu parles de Laurent Villeneuve ? S'étonna Henri. Le choix n'est pas mauvais. Pourtant, j'aurais juré que... À voir l'expression de Samuel, il préféra ne pas achever sa phrase. De quoi se mêlait-il ? En face de lui, Sam semblait soudain hostile, nerveux. Peut-être tout simplement malheureux. Bien, je vais y aller. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Il voulut sortir son portefeuille, mais son ex-gendre ne lui en laissa pas le temps, déposant un billet sur la table. Je vous aime beaucoup, Henri. Tenez-moi au courant. Une formule toute faite, qui dissimulait mal l'intérêt de Samuel pour Pascal. Quoi qu'il en dise, et même quoi qu'il en pense, ce garçon serait toujours là pour elle, ça crevait les yeux. Henri récupéra sa voiture de location sur le parking et prit la route d'Albi.